Section 4 de Pâques d'Islande par Anatole Le Braz. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. Pâques d'Islande. Funérailles d'été à Monsieur Louis Gandrax. 1. Nous rentrions de la pêche au large avec le flot montant. Il faisait une de ces calmes et blondes soirées d'août qui revêtent les lointains en Bretagne, d'une lumière infiniment douce, suspendue dans l'air comme une poussière d'or pâle. Le ciel profond et d'une amplitude immense se recourbait en voûte au-dessus des eaux. Le Saint-Yves filait d'une allure égale, un peu incliné sur son flanc droit, traînant derrière lui un fin sillage que le soleil couchant teintait de pourpre et projetant en avant de la proue, sur la face à peine moirée de la mer, la silhouette élégante de ses deux phoques harmonieusement gonflées. Héry Laouénan, le patron, fumait sa pipe assis à la barre. Le reste de l'équipage, deux pêcheurs et un mousse, se tenaient accroupis dans l'ombre de la grande voile, les coudes appuyés au plat-bord. Tous se taisaient. À vivre constamment dans les mystérieuses solitudes du large, les marins de cette côte, fils d'une race d'ailleurs taciturne, prennent à la longue des habitudes quasi monastiques de silence. Je suis sûr que, depuis le matin, en dehors des indications nécessaires pour les manœuvres, il n'avait pas été prononcé cinq paroles. Nous glissions, sans effort, sous la poussée d'une faible brise, entre les îles qui parsèment ce coin de Manche, dans les parages du Trégorois. C'est un des plus beaux paysages de mer que je connaisse. De toutes parts surgissaient autour de nous de gigantesques profils de pierre, des figures énigmatiques et colossales. Le rocher du château, avec sa toison de lichen, gardait l'entrée du port dans l'attitude d'un sphinx de bronze vert, et, vis-à-vis, l'île Saint-Gildas dormait paresseusement étendue à l'ombre de son bois de pin qui la fait ressembler à quelques salamines bretonnes. Plus loin, vers le septentrion, s'égrenaient, comme les têtes débandées d'un troupeau à la nage, les innombrables récifs épars le long du littoral de Plougrescant. Des vols de mouettes tourbillonnaient, pareils à une neige vivante, dans la transparence ambrée de l'atmosphère. Devant nous, l'âpre échine de la côte de l'Armor Penvénanais s'enlevait en noir sur le ciel pâlissant. Un calme délicieux baignait toute chose. Et la houle elle-même roulait par grandes ondes, lentes et pacifiques. La trépidation de la barque était à peine perceptible. On l'eût dit immobile, figée sur place, au milieu de l'enchantement universel, n'eût été la fuite incessante des roches qui, l'une après l'autre, passaient en un défilé d'ombres silencieuses, semblant remonter vers la haute mer. Soudain, une cloche tinta, et, comme s'il n'eût attendu que cet avertissement, un goéland solitaire, perché à la cime de l'écueil du four, battit l'air de ses longues ailes grises et s'envola. Les hommes, ôtant leur surroi, se signèrent. Le patron murmura « Dieu lui fasse paix ». Les autres répondirent en chœur « Amen ». « Ce n'est donc pas l'Angélus ?» demandai-je. « Écoutez, » fit Laouénan, le doigt levé. Les tintements tombaient, espacés, monotones, avec de lourdes vibrations qui allaient se perdre au loin dans la profondeur de l'immensité vide. Ne reconnaissez-vous pas le timbre de la cloche du port blanc? Elle ne sonne jamais qu'en deux circonstances, le jour de la fête de Notre-Dame et pour le glas d'un marin décédé. Dieu fasse le sort qu'il mérite à celui qui vient de mourir. Ce goéland que vous avez vu prendre son vol, c'était son âme qui partait. Je n'ai pas entendu dire qu'il y eût quelqu'un de malade dans nos alentours. Féchec cause, note, Féchec, le vieux, fin de note, depuis près d'une semaine, n'est pas sorti, note, n'a pas pris la mer, fin de note. Je lui ai rendu visite hier, il m'a dit, je suis au bout de ma chique, ou je me trompe fort, ou c'est son glas que nous entendons. Et de nouveau, le patron se tut, et les hommes renfoncèrent leurs casques de toile huilée sur leurs figures graves, tandis que la cloche de la chapelle continuait de marteler le vaste silence à petits coups réguliers et plaintifs. Le soleil n'était pas encore complètement couché quand nous accostâmes au débarcadère. Un groupe de femmes stationnait près de la hutte du douanier de garde sur un tertre à demi éboulé dominant le môle. Une d'elles, une grande fille brune, à la peau rêche et bistrée, marbrée de rouge par les larmes, vint au-devant de nous dès que nous eûmes posé le pied à terre, et, s'adressant à Henri Laouénan, « On t'attend chez nous pour ensevelir mon père. Il a eu sa connaissance jusqu'à la fin, et, au moment de mourir, il t'a désigné. À toi seul, paraît-il, il a donné ses instructions. » C'était Annie, surnommée Guémonvert, la fille de Féchec-Coz. « Va dire que j'arrive, » répondit simplement le pêcheur. Il héla le mousse resté à bord pour ranger les agrès. « Passe-moi un des congres, petiot. » L'enfant lui tendit, en la soulevant par les ouïes, l'énorme bête gluante. Il la jeta sur son épaule, avec l'aisance d'un Hercule dompteur de monstres, et nous nous mîmes à gravir le raidillon qui conduit au village. 2. Le port blanc n'est à proprement parler qu'un hameau marin, une enclave de Penvénan, dont le bourg est situé à 4 kilomètres dans les terres, au centre d'un plateau assez triste, planté surtout de calvaires et de haies d'ajon. 2 ou 3 auberges, une douzaine de chaumières, c'est tout le village. Une route de grève, pavée de galets et où traînent des guirlandes de varechs abandonnées par le jusant, forme la rue unique. Une menue ruelle s'en détache, contourne les maisons qui bordent la plage, puis se disperse en une multitude de sentiers grimpants, bientôt évanouis derrière la hauteur. Au fond d'une cour donnant sur cette ruelle, achève de s'effondrer une antique demeure du XVIe siècle, couverte en glui, avec tourelles en poivrière, semi-masure et semi-manoir. Le rez-de-chaussée, humide et sombre, ne prenant le jour que par une étroite lucarne, sert à la douane d'entrepôt pour les épaves. C'est un capharnaüm étrange, une sorte d'ossuaire des naufrages, où gisent, pêle-mêle, des bouts de filin, des tronçons de mâts, d'énormes ferrures encrassées de rouille, des ancres, des rames, des planches sur lesquelles se lisent encore des noms de navires de toutes nationalités, bref, tout un musée funèbre de la mer. Cela sent le moisi, la saumure, et une pénétrante odeur de goudron ranci. Un escalier extérieur, en granit, conduit à l'étage, abrité par un auvent, que soutiennent des piliers de chêne bizarrement sculptés. C'est là que, depuis plusieurs générations, habitent les Féchecs. Un de leurs ancêtres, enrichi par la flibuste, acheta la maison en l'an de grâce 1712 et y fit graver ses initiales dans la pierre au-dessus de la fenêtre principale. À partir de cette date, l'aîné de la famille eut en apanage ce logis et le transmit à son premier descendant mâle, un peu plus délabré qu'il ne l'avait reçu. Il est d'usage, en Bretagne, de respecter toutes les vieillesses, celles des maisons comme celles des gens. Les antiques murailles que l'âge et les intempéries inclinent vers la terre y meurent paisiblement de leur belle mort. Comme nous arrivions à la barrière qui donne accès dans la cour, Laouénan me demanda « Vous n'entrez pas dire une prière ?»« Si, vraiment, je tenais à revoir une dernière fois les traits de ce rude marin, une des physionomies les plus singulières et les plus attachantes que j'ai connues. Et surtout, j'avais à cœur de payer à sa dépouille le tribut d'un suprême hommage. Que de chers souvenirs me rendent précieuse sa mémoire. Je lui dois mes plus profondes, mes plus exquises sensations de mer. En ce port blanc, ma patrie d'élection, j'ai pu savourer, grâce à lui, les saines ivresses du large, en ce qu'elles ont de plus insinuant et de plus fort. L'été précédent, nous avions vécu ensemble toute une semaine de la libre vie errante des anciens vikings. Il m'avait fait découvrir les 7 îles qui étaient pour moi un pays vierge et ne m'étaient apparues jusqu'alors que dans un brouillard de rêves, comme le mirage d'une Atlantide. Nous les avions explorées tour à tour, couchant une nuit dans chacune, enroulées en nos manteaux auprès d'un feu d'algues, avec la sourde rumeur de la houle à nos pieds et sur nos têtes le déploiement d'un ciel merveilleux, embaumé de subtils arômes et criblé d'étoiles. À l'île aux Moines, l'hospitalité nous avait été gracieusement offerte dans le phare. Nous avions fait la veillée en compagnie du gardien dans la galerie extérieure de la lanterne, dont la flamme projetait au loin sur la mer nos ombres démesurément agrandies. Féchec-Coz s'était mis à conter des histoires, des mythes frustes et incomplets, pareils aux fragments mutilés de quelque antique cosmogonie bretonne, et qu'il se plaisait à situer en ses solitudes. il évoquait Is aux 100 portes, détaillait les féeries de sa cathédrale, bâtie en ce lieu même et desservie par des moines au nombre de 7 fois 7 000. Puis venait la pathétique légende d'Aès, à la peau claire comme la lune, ses amours tragiques, cause de l'engloutissement de la cité, sa fin lamentable, sa métamorphose en sirène, ses prunelles d'émeraude guettant toujours le passage des jeunes hommes, sa soif d'étreindre et de tuer, son beau corps souple, ondoyant sans fin dans le mouvant repli des vagues, les imprégnant d'une amertume éternelle. Il se dégageait de ces primitifs symboles une poésie étrange, capiteuse, qui exaltait le conteur lui-même. Sous les touffes épaisses de ses sourcils, ses yeux brillaient comme phosphorescents, et l'on eût dit qu'une émotion sacrée faisait trembler sa voix. Par instants, il nous donnait l'impression qu'il ne parlait pas pour nous seuls, mais aussi pour la vaste étendue des eaux mystérieusement peuplées. Son débit avait l'ampleur, la solennité d'une incantation, et, avec sa haute taille, un peu voûtée, avec sa face dure, squameuse, hérissée de poils de barbe enchevêtrés et grisâtre comme une végétation de lichen, il faisait songer à quelque génie de la mer, commentant la destinée de sa race et célébrant la gloire de son ancêtre, le vieil océan. Je compris, cette nuit-là, d'où venait l'ascendant exercé par Féchec-Coz sur toute la tribu des pêcheurs de cette côte, de Plougrescan à Perros-Guirec. Il leur imposait sans doute, par son grand âge, par son expérience, la probité intacte de sa vie, mais plus encore par sa science des choses du passé, par sa prodigieuse mémoire, et surtout par ce don d'éloquence mystique qu'il avait en propre, signe manifeste, aux yeux de ses pairs, d'une supériorité quasi surnaturelle devant laquelle il s'inclinait avec une vénération mêlée de crainte. Son influence sur eux était énorme. Les soirs, trop fréquents, de soûlerie générale, il n'avait qu'à paraître pour qu'immédiatement le tapage cessât. Les auberges se vidaient comme par enchantement, et les ivrognes les plus récalcitrants se laissaient emmener par leurs femmes avec une docilité de mouton. En toutes circonstances, il était écouté, obéi, on le consultait comme un oracle. C'était du reste, sous d'âpres dehors, une âme tendre, débonnaire, exempte d'orgueil. Il avait la majesté d'un patriarche et la candeur d'un enfant. Tout le pays le pleurera, me dit Héry Laouénan, tandis que nous nous apprêtions à gravir les marches du vieil escalier de pierre. Lui est heureux. Il commençait à avoir soif de repos. Il y a 8 jours, comme nous remontions ensemble de la cale, il me prit soudain par le bras et, me montrant par-delà les îles, la lumière dorée du couchant, « Regarde, prononça-t-il. Cette splendeur que tu vois là-bas, c'est l'entrée du paradis des marins. J'y habiterai avant la fin de ce mois, dans le contentement et dans la paix. » Hier, quand je suis venu demander de ses nouvelles, il était assis sur un banc à dossier, au coin de l'âtre. Il roulait entre ses doigts les grains d'un chapelet. Il se mit à causer avec moi d'un ton bonhomme, m'annonçant tranquillement sa mort pour aujourd'hui, me chargeant de l'ensevelir, de veiller sur sa barque et sur ses engins. J'essayais de me persuader qu'il plaisantait, quoique ce ne fût point son habitude. Et tout de même, j'avais le cœur serré. Pauvre Féchec-Coz, jamais plus méritant que lui n'a franchi le seuil du bon Dieu. III. De chaque côté de la porte, à des piquets plantés dans le mur, étaient appendus, en guise de draperie funèbre, 2 de ces manteaux de bure noire à grande cagoule que portent comme parure de deuil les Bretonnes de cette région. À l'intérieur, une pénombre trouble, un religieux silence et, par instant, un bruit monotone d'oraison. Des hommes, des femmes, des enfants agenouillés se rangèrent pour nous faire place et nous nous agenouillâmes derrière eux dans un des angles de la pièce. La table où la famille avait coutume de prendre ses repas avait été poussée contre la fenêtre, qu'une voile de barque, tendue d'un montant à l'autre, recouvrait toute. Sur la table était allongé le mort, la tête appuyée à un traversin. Il avait ses vêtements des jours de travail, le tricot de laine bleue usé au coude et le pantalon de berlinge rapiécé de vieux lambeaux d'étoffe de toutes nuances, maculé de taches de goudron, retenu aux hanches par une espèce de turban tordu comme un câble. Les pieds étaient chaussés de bas épais, d'un rouge vineux. Les mains jointes sur la poitrine pressaient un crucifix. Sur une chaise disposée au chevet du cadavre, brûlait dans un haut chandelier de fer blanc une longue et fumeuse chandelle de suif, dont la clarté jaunâtre, trouant à peine l'obscurité de la chambre, baignait d'une sorte de halo la figure pétrifiée de Féchec Coz. Il avait l'air de s'être couché là pour faire sa sieste. Rien n'était changé, ni dans les traits, ni dans la coloration de son visage. Sa peau hâlée, profondément empreinte de l'indestructible patine de la mer, n'avait subi aucune altération. On eût pu croire qu'il dormait, n'eût été la rigidité des membres et, dans l'attitude, ce je ne sais quoi d'éternel, de définitif, que donne la mort. La physionomie avait son calme ordinaire, sa belle austérité songeuse, avec quelque chose de plus adouci peut-être et de plus affiné. Parfois, sous le mobile reflet de la chandelle, les paupières semblaient battre, comme si elles allaient se rouvrir. Et l'ivoire, encore intact des dents, souriait entre les lèvres légèrement écartées. « C'est le recteur en personne qui récite les grâces », me chuchota à l'oreille le patron Lahouenan, visiblement flatté de cette marque de déférence octroyée par le vieux prêtre au vieux pêcheur. Les prières achevées, le recteur se leva. Nona Féchec, la veuve, pâle comme une cire, lui présenta un rameau de buis qui trempait dans une assiette remplie d'eau bénite. Il en aspergea trois fois le front du mort en murmurant à chaque aspersion d'une voix cassée et chevrotante « Kers gandoué, ino paour !»« Va à Dieu, pauvre âme !» Se penchant de nouveau vers moi, Eri Lahouenan me dit « L'âme est loin, elle a depuis longtemps atteint le pays du couchant, ne croyez-vous pas ? Comme moi, vous l'avez vue s'envoler, Dieu lui fasse paix !» Le prêtre sortit, accompagné du bedeau, portant en bandoulière le sac noir qui renfermait les saintes huiles. Et, quand ils furent dehors, l'assistance elle-même s'écoula lentement, après avoir pris congé de Féchec Coz, en agitant au-dessus de sa tête, comme pour en éloigner tout mauvais rêve, le symbolique rameau de buis. Il ne resta dans la chambre, avec le groupe clairsemé des parents, qu'un petit nombre d'intimes, des marins, hommes simples, que leur émotion rendait encore plus gauche, plus empêtrés que de coutume, et qui demeuraient plantés au milieu de la pièce à glisser vers le cadavre des coups d'œil attendris et à rouler entre les doigts leurs bonnets sales ou à cracher machinalement sur leurs sabots en essuyant de temps à autre une larme grosse comme une goutte de pluie d'été. La veuve, affaissée sur la pierre de l'âtre, exhalait sans discontinuer de petits sanglots brefs et plaintifs qui ressemblaient, pardon pour l'irrévérence de l'image, au gloussement d'une poule enrouée. Elle avait dû arracher sa coiffe dans les premiers transports de sa douleur, en sorte que les mèches de ses cheveux pendaient, éparses, sur son visage, comme une pauvre vieille filasse décolorée. Tout près d'elle se tenait debout la grande Annie, sa fille, avec son aspect farouche de sauvagesse, la nuque collée au manteau de la cheminée, les bras ballants, sa jupe retroussée de faneuse de goémon, découvrant tout le bas de ses jambes, et les attaches patriciennes de ses pieds nus. Il y eut 5 ou 6 minutes d'un pénible silence. Enfin, Lahouenan s'avança vers la mère Féchec, traînant jusqu'à elle le congre qu'il avait apporté et dont le corps flasque englua le parquet d'un long sillage visqueux comme la bave d'une monstrueuse limace. « Femme, commença-t-il, vous aurez, selon l'usage, un repas à offrir aux veilleurs funèbres durant la nuit qu'ils vont passer auprès du cadavre. Voici de quoi faire la soupe et le ragoût. « Ah oui, murmura la vieille, tu as pensé à cela ? La bénédiction de Dieu soit sur toi, Harry. Et sur vous, Nona. Je n'attends plus de lui qu'une faveur, c'est qu'il me prenne bientôt comme il a pris mon cher homme. Quel malheur, n'est-ce pas, Harry ? » Le pêcheur baissa la tête et resta sans répondre. Puis, au bout d'un instant, « Songez, Nona, qu'il aurait pu avoir un pire destin. Nous autres, gens de mer, une terrible menace est sur nous, terrible et incessante. Nous partons le matin, reviendrons-nous le soir. Cela, comme on dit, est le secret du vent. Vous n'êtes pas sans avoir entendu parler de ce qui nous est arrivé il y a quelque 10 jours dans les eaux des îles. Nous étions en pêche, Soudain, le mousse crie « Un noyé !» Il passait le long de la barque, presque à toucher le bordage, étendu sur le dos, la face bouffie, rongée aux trois quarts, des coquillages, des pieuvres, des vilaines bêtes de toutes sortes, cramponnées aux lambeaux de ses vêtements, des algues enroulées comme des fouets autour de ses bras et de ses jambes. Nous avons essayé de l'accrocher avec la gaffe, nous n'avons ramené qu'une poignée de chair. Il était déjà mou comme une vieille éponge. Et c'était Bernard, vous savez, dont on n'avait pas eu de nouvelles depuis le dernier gros temps. Nous l'avons reconnu à son gilet où sa femme avait brodé une ancre. Combien de jours, de semaines, de mois sera-t-il condamné à nager ainsi au gré du flot? Et où, sur quel fond de roche ou de sable se reposeront enfin ses reliques? Mystère, Nona, mystère! Au moins, Féchec-Coz dormira dans la terre des ancêtres. On saura où prier sur ses restes. Et il a eu cette chance de mourir dans sa maison, au milieu des siens. Cela est beaucoup, Nona. Nous sommes ici quelques-uns qui, lorsqu'il faudra partir, voudrions bien nous en aller de même. Qu'en dites-vous, camarades? Certes, firent d'une seule voix les marins présents. La vieille s'était interrompue de glousser. Elle écarta de la main les cheveux qui embroussaillaient sa maigre figure flétrie et, levant sur le patron du Saint-Yves un regard presque rasséréné, « Pour ça, prononça-t-elle, je peux dire, je crois, sans offenser personne, que Guillaume Féchec a eu la mort qu'il méritait. Il a trépassé doucement, sans souffrance, en souriant même, comme un saint. Vers midi, comme je suspendais mon linge à sécher dans la cour, il m'appela, « Nona Gaise, note, Nona chérie, fin de note. Tu as mis de côté, je pense, le drap de chanvre, sur lequel nous avons couché ensemble, pour la première fois, la nuit de notre noce. Il est dans l'armoire? Pourquoi? Oh, pour rien. Donne-moi ma pipe. » Fumer était devenu sa distraction. Depuis le commencement de son malaise, il trouvait à la chique un goût trop fort. Il tira quelques bouffées, mais s'arrêta aussitôt et posa sa pipe sur ce banc où il était assis, sans l'éteindre. « Voyez, elle y est encore. » Je lui demandai, « Ça ne va donc pas ?»« Que veux-tu ? » me répondit-il. Il arrive un moment où les choses de ce monde perdent pour le Fils de l'homme toute saveur. Il se tut, mais ses lèvres continuèrent de remuer, comme s'il se fût parlé à lui-même, intérieurement. Je retournai à mon travail. J'étais triste, triste, quoique tout, au dehors, fût plein de soleil. Je sentais qu'une ombre descendait sur la maison, sans me douter cependant que c'était l'ombre de la mort. Au coup de 2 heures, à l'horloge, Gil me héla de nouveau. « La mère doit monter. Pousse donc la table contre la fenêtre. Je m'y allongerai. Tu me glisseras un oreiller sous la tête. Je suis un peu là. Et puis, je voudrais assister à la rentrée des bateaux. Les voiles vont apparaître une à une. Quel vent fait-il ? Nord-est. » C'est le vent béni. Il caresse la houle pour l'endormir et il chante aux poissons pour les attirer. Nos anciens l'appelaient le père de la bonne pêche. Il se hissa sur la table où je l'arrangeais de mon mieux. « Comme on est bien ici, » fit-il, « je vois tout, le soleil, la mer et le ciel. » Il se mit à débiter un tas de choses, de ces choses, vous savez, qui ne venaient qu'à lui. Il disait, par exemple, « Tiens, je n'avais jamais remarqué que le rocher de la fraude fût semblable à un roi couronné. » Ou encore, « C'est singulier, il y a dans l'air d'aujourd'hui un parfum que je n'ai respiré qu'une fois. » Lors de mon premier voyage comme gabier de misaine dans le courant des Florides. Je n'entendais qu'une phrase, par-ci, par-là. Il parlait par bribes, comme en rêve, d'une voix douce de petit enfant. À un moment, je crus qu'il récitait les litanies en latin, mais il me dit que c'était des noms de terres lointaines, de pays des mers australes, visités par lui du temps qu'il était baleinier. Je compris qu'il repassait sa vie. Je pensais en moi-même, c'est mauvais signe. Quand on remonte ainsi 4 à 4 l'escalier des années disparues, c'est qu'on a la mort à ses trousses. Ah, il ne fuyait pourtant pas devant elle, le cher homme. Personne, au contraire, ne l'a vu venir et ne l'a attendu avec plus de tranquillité. Quand les voiles commencèrent à se montrer sur l'horizon, en deçà des îles, son visage s'anima, des larmes brillèrent dans ses yeux. Je lui demandai, « Pourquoi pleures-tu ? C'est à peine si moi-même je pouvais me retenir de sangloter. « Nona Gaise, me répondit-il, ne t'attriste point. Il faut, en ce monde, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Tu as une maison qui t'abrite. Tu toucheras, d'autre part, une pension de 200 écus qui pourvoira largement à tes besoins jusqu'à la fin de tes jours. Je n'ai donc point d'inquiétudes à avoir sur ton sort. Du côté d'Annie, je suis tout aussi rassurée. Elle est vaillante et sage. Tu tâcheras qu'elle épouse un brave homme et un gars solide. L'espèce n'en est pas morte. Je lui laisse pour dot la Sainte-Anne. Elle n'est pas toute neuve, la bonne barque, mais il ne lui manque ni un clou, ni un agrès, et elle a fait ses preuves. On peut dire de celle-là qu'elle a eu pour parrain le vent et la mer pour marraine. Il dut s'arrêter à cause de l'émotion. Le cœur lui battait dans la poitrine à coups aussi forts que ceux du balancier de l'horloge. Plus calme, il reprit, « J'ai près de 80 ans, j'ai navigué un peu de tous bords, j'ai vu la mer de feu et la mer de glace. Il n'y a guère qu'au paradis que je n'ai pas été. Or ça, Nona, c'est bien le moins que j'y aille faire un tour. Ne te préoccupe de rien. Eri Laouena a été mon mousse. Je me suis entendu avec lui pour les dernières mesures à prendre. J'aperçois d'ici le Saint-Yves. Il vient vent arrière. Recommande à Eri de se rappeler tout, exactement. » Comme il achevait ces mots, le recteur entra. Il avait fait avertir dès hier matin, à notre insu, par Coupaïa Toulousan, l'innocente, et le recteur arrivait portant le viatique. Les voisines, accourues au bruit de la clochette du Saint-Sacrement, s'agenouillaient déjà en foule sur l'escalier. Guil se confessa, reçut Dieu. Quant à moi, je ne savais ni que dire, ni que faire. J'étais toute saisie, toute froide, et Annie, qui n'était pas encore de retour de la grève. « Eh bien, fais-je cause, interrogea le recteur. Vous vous trouvez mieux, n'est-ce pas ?»« Oui, soupira mon mari, d'une voix faible. Mais tout de même, vous n'avez que le temps de faire sur le bateau le dernier signe de la croix. Je le sens qui dérape. » Pendant qu'on l'extrémisait, il commença lui-même les prières des agonisants. De crainte que la lumière plus vive du soleil couchant ne blessât ses yeux, je voulus fermer la fenêtre et tirer les rideaux, mais il s'y opposa. La chambre, peu à peu, s'emplissait de monde. Au bruit des oraisons, il parut s'assoupir. Mais, juste à ce moment, Annie se précipitait dans la maison, tout effarée, criant « Mon père, mon père !» Il lui dit « N'aie pas de chagrin, tu vois que je m'en vais en paix. » Ce furent ses paroles suprêmes. Un quart d'heure plus tard, sans un cri de souffrance ni un geste d'angoisse, il était parti. Regardez-le, tel qu'il était quand il rendit l'âme, tel il est resté. La mort a été pour lui aussi douce que le sommeil. L'assistance avait écouté ce long récit dans une attitude vraiment touchante de respect et de recueillement. Seule la voix de Nona s'élevait, dolente et monotone, dans le grand silence funéraire. Toutes les respirations étaient comme suspendues. Chacun semblait avoir à tâche de graver en soi, fidèlement, jusqu'aux moindres circonstances de cet humble trépas. Au-dessus de la bouche du cadavre, une mouche d'été bourdonnait. Un vieux marin, à la face hirsute, au corps décharné, mûr lui-même pour la tombe, toussait par intervalles d'une toux rauque, plaintive comme l'aboi d'un chien perdu. Et la fière Annie, devant le foyer, gardait la ligne sculpturale, la superbe impassibilité d'une cariatide de bronze. On entendait au dehors le menu clapotis de la mer pleine, et plus loin, vers le large, un fracas de cataractes invisibles, une basse profonde, continue, le ronflement d'un orgue immense. Dans le pan de ciel découpé par le cadre de la porte, la demi-obscurité du crépuscule s'éclairait toutes les 2 minutes d'une étrange lueur verdâtre, projeté par le feu du port. Le mélancolique coup de sifflet des courlis regagnant leur gîte déchirait l'espace de sa note aiguë, rapide, troublante, comme un appel. Un bruit de sabots résonna dans l'escalier et, sur le seuil, parut un bizarre personnage, vêtu d'une espèce de souquenille qui lui tombait jusqu'au talon, la figure glabre, la bouche tordue dans une perpétuelle grimace, l'air simiesque et jovial, malgré ses efforts évidents pour communiquer à toute sa physionomie l'expression de sincère tristesse qui se reflétait dans ses yeux. Il fit quelques pas, s'arrêta, indécis, salua humblement à la ronde, demanda d'un ton à la fois comique et pénétré. « Je viens peut-être un peu tôt. »« Non, non, Fanchardflem, on vous attendait, » répondit Laouénan. L'homme déposa sur un meuble une trousse en vieille toile contenant divers outils. Je connaissais de réputation ce Fanchardflem, sans avoir jamais eu la fortune de le rencontrer. Il courait sur son compte, dans le pays, les histoires les plus étranges, et les conteuses de légendes funèbres le mêlaient constamment à leurs récits. Il appartenait à cette catégorie de gens qu'on appelle en Bretagne les « travailleurs de la mort », et qui passent pour avoir sur l'au-delà des ouvertures interdites aux vulgaires. Tels les veilleurs de profession, les mendiants que l'on charge d'annoncer les décès, les menuisiers, fabricants de cercueils, les chantres qui ont mission d'accompagner les défunts depuis leur demeure jusqu'à l'église, le conducteur du corbillard rustique, tous ceux enfin pour qui le trépas d'un pauvre être devient une occasion de déployer leurs ailes ou d'accroître leurs profits. Fanchardflem, de son vrai métier, était museleur de porc. Il excellait à transpercer d'un fil de fer rougi le groin de ses animaux, sans trop les faire souffrir, et de façon cependant à leur ôter toute envie de fouiller le sol de leur crèche pour voir s'il y germe des truffes. Mais cette industrie, jadis florissante, avait périclité. Il avait dû chercher autre chose, se créer d'autres spécialités plus lucratives. Et il s'était fait successivement, ou même simultanément, rémouleur, marchand de chevelure de femme, cardeur d'étoupe, cordier, que sais-je. Entre-temps, il rasait les morts. C'est en cette qualité qu'il se présentait chez Féchec Cause. Il s'approcha de la table, posa la main sur le front du cadavre. « Il faudrait pas tarder davantage, » dit-il. « Le corps se refroidit. Qu'on me donne une écuellée d'eau chaude. » Une parente s'empressa pour le servir. Les préparatifs de la toilette funéraire allaient commencer. Tous ceux qui ne devaient point y assister gagnèrent la porte. Je descendis l'escalier en compagnie de la grande Annie. Arrivée à la dernière marche, elle s'y accroupit, lourdement, et je la laissai là, à pleurer en silence, sous le dais majestueux de la nuit, devant la grise uniformité de la mer dont la courbe se dessinait encore sur l'horizon, bordée d'un mince ourlet d'argent. Fin de la section 4.